Première étape de la journée, Dédé a les cheveux qui poussent et doit se lever. Il cherche lentement le plancher, puis marche doucement sur les mains, sur les pieds. Ça y est, il a pris son petit déjeuner. Comme d'habitude, il n'a rien avalé. Il sait que la nourriture atténue les effets d'une journée qui s'annonce bien arrosée. Le bar est bien bondé et tous les habitués troquent avec leur dédé. Ça fait déjà 2 heures qu'il est bien éméché et qu'il ne sait même pas s'il rentrera manger. Après-midi, merde, le bar est fermé. Et Dédé va au foot, mais pas pour voir les joueurs jouer. Car de la buvette, c'est un vrai pilier. Le seul vrai supporter est là pour l'arroser.